La lune était si belle ce matin dans le ciel que je me suis soudain senti pousser des ailes. La lune et les étoiles éclairaient la montagne et brûlaient dans mon cœur le feu du voyageur. J'ai remis les fers à mes bottes, j'ai remis les bottes à mes pieds, j'ai remis les pieds sur la route et la route m'a emmené. Devant moi la tête s'est ouverte et m'a doucement caressé. Et plus tendrement s'est offerte, je crois qu'elle m'a enchanté, enchanté, enchanté. Des ombres, des zones de brouillard, je souhaite qu'elles tombent, qu'elles quittent nos regards, qu'à l'heure du départ ne reste que des rires, les yeux de le revoir transcendent les souvenirs. J'ai remis les fers à mes bottes, j'ai remis les bottes à mes pieds, j'ai remis les pieds sur la route et la route m'a emmené. Devant moi la tête s'est ouverte et m'a doucement caressé. Et plus tendrement s'est offerte, je crois qu'elle m'a enchanté. Enchanté, enchanté. Je quitte tous mes frères, je quitte mes amis. Il n'y a rien à faire, ainsi me veut la vie. Mais le chant de la terre lentement me conduit vers de nouveaux enfers, de nouveaux paradis. J'ai remis les bottes à mes pieds, j'ai remis mes pieds sur la route et la route m'a emmené. Devant moi la tête s'est ouverte et m'a doucement caressé. Et tout en commençant à offerte, je crois qu'elle m'a enchanté, enchanté.